Nous sommes au 21e siècle après Jésus-Christ. Toute l'Amérique française a été assimilée. Toute? Non! Une province, et en particulier une région, peuplée d'irréductibles Québécois, résiste encore et toujours à l'assimilation, l'Outaouais. Vous écoutez les Irréductibles. Eh bien, bonsoir, chers fidèles auditeurs et auditrices des Irréductibles. La radio libre de l'Outaouais. Absolument. En cette journée ensoleillée. Ah, magnifique, n'est-ce pas? Ça fait longtemps qu'on a eu ça dans notre coin. Mais, tour de table, vite fait comme ça, en commençant l'émission. Bon, vous êtes en compagnie de moi-même, votre animateur pour la soirée, Kevin, ainsi que Fred. Bonjour. À ma droite et de... on est deux semaine. Fred à soir, ouais. Oui, et de ça. Pat, qui est juste en face de moi, Patrick. Vite fait comme ça, comment s'est passé votre Saint-Jean / Fête nationale du Québec? Mieux que la tienne, Kevin, ça je peux le dire tout en partant. Oh, oui. Je suis allé faire du camping sous la tente. La mienne, je suis parti de Gatineau, il faisait gros soleil. J'étais heureux, je suis arrivé dans les Hautes-Laurentides. Il commençait à faire nuageux, il s'est mis un petit peu à pleuvoir. Et tout du coup, le tonnerre, les éclairs s'y sont mis. Mon chien a manqué de se laisser aller dans la tente. Mais on a quand même réussi à la monter. C'était une nouvelle tente. Il y avait toujours été un petit peu de stress de dire est-ce que la tente va bien réagir. J'avais mis une grosse... Est-ce qu'il va me manquer des morceaux? Est-ce que j'avais mis une grosse bâche par-dessus? Puis j'ai mon chum Jim qui m'a donné un énorme coup de main, alors je tiens à le saluer. Et elle a fait la job. On a même pensé à amener l'abri tempo, de le descendre d'en haut du chalet jusqu'en bas, le mis sur le côté, faire une espèce de maison longue amérindienne, mais version IKEA. OK, oui, oui. Fait qu'on pouvait partir le feu. Rester dehors sous la pluie, mais avec l'abri tempo, on pouvait tout fitter en dessous. Fait que dès qu'on avait une accalmie, on ressortait dehors, fait comme Raaah! Puis dès qu'il pleuvait, on retournait en dessous, puis Raaah! Fait que ça a été pas mal ça. Puis il a fait beau quand je suis parti. Évidemment. Évidemment. Oui. Et toi, Pat, qu'est-ce qui s'est passé de bon à ta fête nationale? Ah, ben là, comme toi, j'ai bravé la pluie. Oui. On s'est rendu à Aylmer, à la Marina, pour Outaouais en fête. Disons que la pluie a quand même réduit mes ardeurs du fait que je suis pas allé voir tous les spectacles. Je suis pas allé passer des heures et des heures sous la pluie. J'ai bien choisi ce que je voulais voir. Je suis allé voir les Locolocas symphoniques. Je suis très content d'y avoir été. Ouais, moi ça aussi. M'a fait chaud au cœur. Honnêtement, moi aussi, c'est le seul spectacle que je suis allé voir, en fait, parce que, bon, ça, moi, ma Saint-Jean s'est passé sous la pluie et les pieds dans l'eau, dans tous les sens du terme, j'ai été... inondé dans mon sous-sol. Ton appartement qui est devenu un sous-marin. Exactement, exactement. Comme tout plus était de dans l'eau. 300 maisons dans la belle région de l'Outaouais, en fait. Oui, à Gatineau, puis c'est dans tous les secteurs. Là, je veux dire, pratiquement tous les quartiers de Gatineau ont au moins une maison qui a été inondée. Il y a eu des refoulements d'égouts partout. C'était l'enfer. Partout. Aussi, il y a eu vraiment beaucoup trop de pluie. Mais beaucoup donc, c'est trop. Ça. Malgré le dégât d'eau, moi aussi, je me suis rendu au Parc des Cèdres aller voir le spectacle de Locolocas symphonique. Surtout que ma copine jouait dans l'orchestre, donc absolument. Je pouvais quand même pas manquer mais, ça. Mais malheureusement, tu as quand même manqué Carquois. Oui, j'ai manqué Carquois. Puis ça, c'est franchement... Ben, quel groupe exceptionnel, franchement. Ils sont tout impatents. Puis j'ai vraiment apprécié ma soirée avec Carquois. Ah, ben, j'en doute pas, j'aurais vraiment beaucoup aimé être là, mais malheureusement, j'avais plus, des... En plus, t'es comme pas mal chummy avec eux autres. Ouais, Kevin, on descend dans l'Outaouais, bah ben, on prend une bière. Pas à ce point-là, mais... Pas à ce point-là, mais on a appris à se connaître. Là. Faut dire que je suis allé les voir assez souvent en spectacle, c'est rendu qu'ils me reconnaissent. Des petits bêtes cool, puis... Ouais, presque, ouais. Entre barbus, ça... Ah ouais, ouais, c'est ça. Il est comme de la statique. Mais c'est ça que les gens... Il était plus barbu, là. Oh, non, ouais. Louis-Jean s'est coupé la barbe. Ah oui, il était tout frais, fresh cut. C'est correct, Kevin, moi je suis encore barbu. Tu peux encore te frotter les joues, c'est la mienne. Merci, ça me réconforte. Bonjour. Mais donc, c'est ça, moi, pour ma part, c'est ça. Petit dégât d'eau à la maison. Petit moyen dégât d'eau, disons. Et puis, ça a un peu gâché les festivités de la fête nationale. Mais bon, que voulez-vous, ça fait partie de la vie. On se reprendra pour la fête du déménagement. Bien sûr, bien sûr. Donc, écoute, hey, si tu me permets. Oui. Je suis heureux, j'ai passé une belle fin de semaine, malgré que j'ai mon cœur saigne pour toi, mais j'ai vécu ce que tu as vécu au mois de février. Mm-hmm. J'ai une petite barouette à fumier. Ah oui? Je préfère de dire que petite crotte, je me trouve une petite barouette à fumier, c'est toujours très bien, c'est toujours poétique, comme dirait François Pérusse. C'est plus gros qu'une petite crotte. C'est plus viscéral. Oui, j'ai tantôt, j'étais au travail. Je viens pour fermer Facebook, je regarde rapidement, si j'ai des messages, et je tombe sur ceci. Le réseau de résistance du Québécois pourra compter sur des fiers à bras pour sa manifestation contre la visite du prince William et son épouse Kate dans la capitale la semaine prochaine. Ce qui m'a vraiment un petit peu frisé le poil quelque part, c'est le mot fier à bras ou sbire ou radical qui était mis tout le long de l'article. Je vais vous le lire rapidement, puis vous allez voir que la personne qui a écrit ça, elle savait exactement ce qu'elle écrivait. Fier à bras, c'est pas si mal, mais sbire, ça se veut une insulte. Ces sbires sélectionnés pour leur gabarit imposant n'auront pas pour mission de s'attaquer aux forces de l'ordre, mais devront plutôt empêcher tout dérapage parmi les manifestants, indiqué lundi le président du RRQ, Patrick Bourgeois, parce qu'il faut rappeler que le petit prince et sa petite blonde, ils viennent à Gatineau vendredi. Ils viennent à Gatineau? Oui, monsieur, ils viennent à Gatineau vendredi. Ben, Ottawa, ils vont être à Montréal samedi, puis ils vont être à Québec dimanche. Ben, bâtard. Alors, Patrick et Bourgeois qui continuent en disant « Mais moi, s'ils me disent ce qu'il faut que je fasse, ils sont tellement gros que je vais les écouter », a-t-il dit alors lors d'une entrevue. On les choisit surtout au gabarit. Les 100 livres mouillés ne sont pas dedans. Le RRQ, un groupe souverainiste radical. Encore une fois, le mot « radical ». Je m'excuse, là, mais je pense qu'il faudrait peut-être qu'on leur fournisse un petit dictionnaire pour qu'ils regardent c'est quoi le mot « radical ». Prévoit qu'au moins 300 personnes participeront à une manifestation pour dénoncer la monarchie dimanche prochain à l'occasion de la visite du couple royal à l'Hôtel de Ville de Québec. Pour la première fois lors d'une manifestation, le RRQ déploiera sur le terrain une quarantaine de ses membres ou physiques imposants pour assurer la sécurité. Encore une fois, là, physique imposant, il y a toujours le petit côté là, qu'on veut y descendre. Là. Selon M. Bourgeois, les manifestants seront préparés à une action de désobéissance civile, mais sans geste de violence. Il l'a dit, sans geste de violence. Mm-hmm. Le service de sécurité, dit Patrick Bourgeois, ce pourquoi il n'est pas prévu, c'est pour se battre avec la police. Ce n'est absolument pas ça son mandat. Son mandat, c'est de s'assurer que dans nos rangs, tout le monde se comporte comme nous, on a décidé. Les sbires, encore une fois, du RRQ vont calmer les esprits qui pourraient s'échauffer et contrer toute manœuvre de la part d'agitateurs qui infiltreraient l'action militante. Genre la police. Genre. En plus, c'est la gendarmerie royale du Canada qui va assurer la sécurité sur les lieux. Oui. S'il y a un débile qui arrive et qu'il fait de la provocation avec la police, qu'il est en train de mettre en péril à la fois le scénario qu'on a prévu et à la fois la sécurité de nos militants, c'est sûr qu'on va s'assurer que cette personne soit repoussée en dehors de notre manifestation, a-t-il dit. Malgré tout, M. Bourgeois s'est montré confiant que la situation demeurera sous contrôle, jugeant peu probable que des casseurs viennent interférer. À Québec, ce serait fort étonnant que des personnes comme ça se pointent, a-t-il dit. En 2009, évidemment, la victoire du RRQ, ça c'est de moi, et ses manifestants avaient perturbé le passage du prince Charles et son épouse Camilla en bloquant une caserne de l'armée, ce qui avait forcé le couple à entrer par une porte arrière de l'édifice. Je sais, j'y étais. Tout en affirmant que des plans ont été faits, M. Bourgeois n'a pas voulu dévoiler ce qui est prévu pour la manifestation de Québec. Ben, qu'est. J'espère. Si on est capable, avec la désobéissance civile, de faire capoter le programme comme on l'a fait en 2009, on serait très content, a-t-il dit. Le prince William et son épouse, William et sa meuf, qui se sont mariés le 29 avril dernier, amorceront au pays jeudi une tournée de 9 jours qui les mènera à mort. Ils ne disent pas à Gatineau, mais ce qu'ils vont fêter le Canada Day, mais le matin, ils s'en viennent à Gatineau, encore une fois, au musée des beaux, de la civilisation. Oh, on va aller prendre un petit brunch. Alors, qui les mènera à Ottawa, Gatineau, Montréal et Québec les 1, 2 et 3 juillet. Ces visites dont les coûts sont défrayés par les contribuables, ce pourquoi nous sommes contre, je crois pas mal tout le monde ici, mobilisera 1396 représentants des médias, dont 274 provenant de l'extérieur du Canada. Fait que fais le calcul combien qu'il en reste qui viennent d'ici. Wow. Hein? Le gouvernement fédéral a récemment présenté le déplacement du couple royal comme une vitrine touristique pour le Canada, mais M. Bourgeois considère que le premier ministre Stephen Harper souhaite plutôt utiliser la couronne pour prouver l'inanité des forces souverainistes. Si tout se passait dans l'harmonie la plus totale et que tout ce que William rencontrait sur son chemin, c'est des ballons, c'est sûr que le Canada, le lendemain, dirait « Vous voyez, la situation évolue au Canada et au Québec. Le Québec est capable maintenant d'apprécier lui aussi la monarchie britannique », a-t-il dit. Wow! À l'Hôtel de Ville, le duc et la Schtroumpfette, la duchesse de Cambridge, assisteront à une cérémonie qui souligne la relation entre Québec et les membres du Royal 22e Régiment dans le sang. Non, ça, c'est encore de moi, excusez-moi. La police de Québec a indiqué qu'aucun périmètre de sécurité n'est prévu actuellement, mais cette semaine, je suis tombé sur un article où ce qu'il disait qu'ils mettaient des agents sur les toits des restaurants. Et qu'il laisse encore et qu'il utilisait le mot menace. Alors que, dans ce que je viens de lire, en ce moment, ce que Patrick Bourgeois dit, et que si tu fais le tour, il n'a jamais dit le mot menace. Voilà ce que la police de Québec a décidé de dire. On doit toujours s'adapter en fonction de ce qui se présente devant nous et l'évolution de la situation, a dit la porte-parole Sandra Dion. Même si des fois, on peut prévoir plan A, plan B, plan C, ça peut être autrement. La capitale a été marquée, rappelons-nous, en 1964, par une des... carrément trop rare visite, mais ça, c'est carré comme ça, là, de la reine Élisabeth II, durant laquelle les policiers de Québec avaient pourchassé et frappé des manifestants et, bref, les passants aussi. Bref, tout ce qui marchait, chien, chat, pigeon, whatever. Tout ce qui passait par tout là. Ce qui là. Passait avait valu à l'événement d'être surnommé par la suite le samedi de la matraque. Il faut rappeler qu'évidemment, il ne mentionne pas, mais Pierre Bourgault, c'était lui l'instigateur de cette manifestation avec le réseau le Rassemblement pour l'indépendance nationale, soit le RIN. J'en parlais rapidement tout à l'heure avec mon copain Kevin, pas Kevin, mais t'es mon copain évidemment, mais Thierry, qui me disait, tu sais-tu ce que ça veut dire, ça? J'ai dit non, ça veut dire qu'ils vont rentrer dans le RRQ, ils vont prendre la moindre excuse qu'ils peuvent, puis ils vont rentrer dans le tas. J'ai pas de misère à le croire. Enfin bref, c'était ça, ma barouette à fumier. J'espère que les gens qui vont être là à la manifestation vont faire ce qu'on appelle du journalisme. Je cherche le terme. Journalisme de terrain. Mm-hmm. Dans le sens qu'ils vont avoir des caméras avec eux, ils vont pouvoir filmer. Puis ça se fait de plus en plus à chaque fois qu'il y a des manifestations avec les nouvelles technologies. Je veux dire, t'es là, t'es sur place, t'as ton iPhone. C'est pas parce qu'on veut pas, mais on pourra pas être là, malheureusement. Parce que si on avait pu. J'ai une caméra, j'ai mon enregistreuse. Ah oui. On aurait ramené du stock sur le terrain. On aurait mis Patrick devant nous autres. Patrick, seul la police. Nous autres, on s'occupe du reste. C'est ça. Oh boy, ça va être, ouais, ça va être beau. J'ai hâte de voir ça. Alors mais... voilà, c'était ma petite barouette à fumier. Barouette à fumier. Mais je pense qu'on va pouvoir y aller tout de suite en musique. Et après, la petite chanson de Vincent Vallière. Vincent Vallière qui était de passage dans la région, justement, pour Outaouais en fête. Je pense que son passage a été un peu gâché par la pluie, lui aussi, si je ne me trompe pas, c'était le 23. Et puis, son show qui devait, à la base, être... être « plugged ». Oui, oui, c'est ça. C'est fait « unplugged ». Oui, c'est ça. Ce qui s'est fait, c'est que son show était annulé carrément à cause de la pluie, les orages électriques, c'était trop dangereux, tout était couvert. Puis, dès que la pluie s'est calmée un peu, il était trop tard pour refaire son set au complet, mais il s'est assis de façon... sur le bout de la scène... avec le public qui était là, qui avait gravé la pluie juste pour, okay, pour il est le pas voir, juste là. Comme dit ok gars je vais pas donc il s'est non, assis puis il s'est dit le monde qui sont là en ce moment sous la puis pluie il a fait un spectacle, il a fait un petit show acoustique live juste pour les quelques ces irréductibles, exactement, hein? Tu vois, j'ai encore plus de respect pour cet artiste là que j'aime beaucoup la musique, mais juste pour ça là. Ah, ouais. Non, mais franchement, ça, puis c'était franchement un beau moment. Même chose pour les locaux, en passant, qui ont fait la même chose. Le show aurait très bien pu être annulé, surtout que les musiciens qui se trouvaient sur scène, il faut dire que c'était symphonique, donc il y avait plusieurs musiciens avec des instruments qui valent des milliers de dollars, là, c'est jusqu'à 30 000 $ même plus. Et puis, tout le monde s'est installé sur scène, les locaux sont embarqués, ils ont fait le spectacle quand même, fait qu'ils méritent qu'on leur lève notre chapeau. Ouais. Donc, sur ce... petite chanson de Vincent Vallière, et tout de suite après, parce qu'on vous l'avait promis la semaine dernière, suite à un léger pépin, apparemment que le son de notre entrevue avec Sébastien Ricard était pas très fort. Donc, pour nos auditeurs, on vous rediffuse l'entrevue qu'on avait réalisée avec lui. Avec du jus dedans. Avec un petit peu, ouais, un petit peu de jus, grâce à notre ami Pat, qui nous a un petit peu aidé avec ça, côté technique. Donc, une entrevue boostée. Réalisé au 10e anniversaire du Québécois. Donc, on vous revient tout de suite après ça. Nous partirons seuls, nous partirons. Loin, peu d'eau et de pain et beaucoup d'espérance. Toujours au dixième avec Kevin et Dave. Et maintenant, on a Sébastien et Ricard avec nous. Ça va bien? Oui, toi-même. Oui, alors, tu es venu ce soir donner courage aux militants indépendantistes malgré l'accusante défaite du Bloc dernièrement? Ah, complètement, plus que jamais même, je te dirais. Je pense du tout que ça doit être un événement démobilisant. C'est sûr que c'est un coup dur. Là. Moi, je suis pas de ceux qui pensent que le clivage chromatique nous remonte encore une fois à la présence des deux solitudes. C'est sûr qu'on le savait, on n'avait pas besoin de cette déconfiture du Bloc-là pour le comprendre une nouvelle fois. Je suis pas de ceux qui se réjouissent de ça. Je trouve que c'est un pas en arrière. Mais je pense qu'il faut serrer les coudes. Puis comme je le disais tout à l'heure sur scène, tu sais, le ARQ et tous les mouvements militants souverainistes au Québec, moi, comme les locaux, le reste des locaux, on les soutient à mesure de nos moyens. Puis on n'est pas de ceux qui considéreront que Patrick Bourgeois est un mal appris, quelqu'un qu'on n'a pas sortable puis de pas montrable. On a besoin de ces discours-là plus musclés, des gens qui sont justement plus irrévérencieux. C'est extrêmement important que le mouvement souverainiste, comme l'entièreté de la société québécoise, soit le juste reflet d'une diversité de prises de parole, d'une diversité de moyens d'agir. Puis c'est pour ça que je suis ici ce soir, puis c'est pour ça que je suis pas du tout démobilisé, parce que on célèbre le 10e anniversaire de ce regroupement-là, puis qui est un mouvement extrêmement vivant, puis comme je le disais tout à l'heure, étonnamment structuré. Donc je trouve que le ARQ, pour moi, représente bien le travail de fond que le militantisme québécois fait au Québec, puis qui est fondamental, puis qui va être tous ces mouvements-là vont être des acteurs de premier plan dans les derniers milles. Là. On va avoir besoin de cette base militante-là, ouais, puis de ces gens-là qui se sont comme vous là, t'sais, formés à prendre la parole, puis à sortir haut et fort, tu sais, puis de cesser d'avoir peur, puis de s'affirmer, puis super important. J'ai une question pour toi. Bon, tu as fait beaucoup d'éléments de films. Bon, jamais tu as joué dans Dédé à travers les brumes, que j'ai vraiment adoré. Je me souviens de toi, d'un petit rôle que tu as dans le film de 15 février 1839. Et à chaque fois que je revois la scène, ça me fait quelque chose. C'est quoi? Je ne sais plus du nom. Amab Donet. Qui s'en va dire, tu diras à ta sœur que je l'ai déjà aimé. Okay. Puis t'as l'autre acteur qui dit, tiens-toi debout, Amab. Ose pas. C'est comme... C'est, tu le vois, là, je veux dire, comment tu te sentais? Est-ce que tu étais ce personnage-là ou tu étais juste, OK, bon, ben, je suis comme, je suis Sébastien Ricard. Mais comment tu as vécu ça, la scène de la pendaison? Parce que on parle toujours de Picard qui a joué de Lorimier, mais tu étais là toi-même. Toi aussi, tu as joué la scène de la pendaison et tu as entendu toi aussi Picard dire vive la liberté, vive l'indépendance. Comment tu as vécu ça? Écoute, c'était un moment très, très, très particulier, évidemment, comme tu le dis, là, parce que, tu sais, c'est comme, dans une autre perspective, le film sur André Fortin, tu sais, c'est comme s'il y a quelque chose de particulier de jouer des gens qui ont déjà vécu, tu sais, puis bon, dans les deux cas, je me fais m'en rendre compte ce soir, j'ai joué deux gens qui sont morts dans des situations très, très particulières, ouais. Atroces dans les deux cas. Mm-hmm. J'y avais jamais pensé, tu vois. Mais il y a toute l'histoire de ma présence dans ce film-là que je tiens à me rappeler avec vous, parce que moi, j'étais à l'École nationale dans ce temps-là, puis avec des amis, on avait vu Le Temps des bouffons. J'étais en deuxième année de l'École nationale. Puis je me souviens qu'à l'école, il y avait un règlement qui disait « Les acteurs en formation ne peuvent pas jouer dans des projets professionnels tant et aussi longtemps qu'ils n'ont pas terminé leur formation. » Parce que c'était la politique de l'école que je respecte encore aujourd'hui, qui est assez bonne. C'est de pas les sortir. Tu es en formation, tu te formes. C'est pas le temps d'aller te péter les bretelles dans le grand monde puis de revenir après ça à l'école. T'sais, l'idée, c'est... Donc, moi, je priais le ciel que le Christ de film de Falardeau se fasse pas tout de suite. Tu comprends? J'étais un de ceux qui tenait absolument à ce que ça prenne un peu plus de temps pour pouvoir auditionner une sortie. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis sorti de l'école. Le film a obtenu le cash qu'il avait besoin pour se faire. Puis Falardeau, par le biais d'une agente de casting, je l'ai rencontré pour passer l'audition. Et puis là, je me souviens la première fois, il était pas là. J'avais fait un truc. Il m'a rappelé. Puis là, je me suis retrouvé au studio de l'ONF où ils étaient en train de filmer toutes les scènes à l'intérieur dans le décor de la prison, du pied du courant. Mm-hmm. Tout le monde était là. Puis là, Falardeau m'a pris dans un petit local à l'écart et m'a dit « Garde, écoute, c'est pas compliqué. Tu joues un gars qui va se faire pendre. Il a 16 ans. Je pense que c'était ça. Il me raconte ça. Puis là, il dit « OK, vas-y. » Puis là, il n'y avait pas de caméra. Il y avait juste lui puis moi. Puis là, il a dit, puis là, Simon, tu sais, comme je savais un peu ce que j'avais à faire, mais j'ai essayé, puis là, puis je pense qu'il a bien trippé, puis après ça, il m'a réinvité. Fait que là, il y avait déjà tout ça qui était vraiment hot. Premièrement, je rencontrais quelqu'un que j'admirais profondément. J'avais le hockey pour jouer dans un film auquel je voulais absolument participer. Puis là, quand je me suis retrouvé là, c'est sûr que j'étais plus seulement moi en train de faire mon métier comme quand je joue dans une télésérie. Non, tu sais, j'avais vraiment l'impression de participer à quelque chose d'important, tu sais, qui avait été financé. Contre vents et marées, tu sais. Parce que la scène, quand vraiment on te voit qui te pousse, puis t'as léché une courbée, puis là, t'entends genre « Laisse-les pas t'avoir, tu sais! » C'est, puis la scène de l'acteur, le nom m'échappe, puis je vais dire, j'essaie de par cœur, mais qui s'en dit « On va leur prendre ce qu'ils nous ont volé, cette gang de chiens. » Narbonne. C'est le frère de Falardeau, ça. C'est le frère de Falardeau. Ouais, c'est le frère de Falardeau. Mon Dieu, on en apprend aujourd'hui. Mais c'était quand même une scène incroyable. Puis je veux dire, je revois encore la scène où ce qu'on te voit, puis t'as vraiment le regard résolu sur la potence. Est-ce que t'as angoissé à ce moment-là? Est-ce que tu vivais? C'était quoi que d'avoir une corde autour du cou? Ben écoute, tu poses une question que les gens posent souvent aux acteurs. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, comme quand j'ai fait le film, t'as dit, ah, t'as dû battre tripper tout le long. Tu sais, jouer quelqu'un, jouer au cinéma, jouer, c'est aussi tough de jouer quelqu'un de très déprimé que de quelqu'un de très heureux. Mm-hmm. Mais je voulais dire, sachant le personnage qu'il était, que c'était un enfant de 16 ans, puis que toi, en plus, comme tu dis, tu respectais Falardeau, tu jouais dans un film de Falardeau. Disons que je voulais pas faire ça à moitié, je voulais vraiment pas me casser la gueule. Je voulais vraiment donner quelque chose à la hauteur de l'admiration que j'avais pour cet homme-là, tu sais. Ça apporte. Tu sais, il y a des affaires que... Ben merci, mais il y a des affaires des fois qu'on fait. Comme une question? Moi, j'en avais, si tu te permets, Fred. Concernant tes projets futurs, personnels, puis ceux des locaux, je voulais savoir, dans un avenir approché, ben tantôt quand tu étais sur scène, tu nous as dit que le nouvel album des locaux sort bientôt. Oui. Fait qu'on est heureux. Mais est-ce que vous avez d'autres projets, justement, qui s'en viennent prochainement? Personnel? Ou personnel, des rôles, ou que ce soit au théâtre, ou tout ça. En passant, j'ai beaucoup aimé ton rôle dans Wojtek. J'ai aimé la pièce. Mais bon, bref, c'est ça. Je voulais juste savoir s'il y avait des futurs projets qui s'en venaient pour Sébastien Ricard ou les locaux. Ben, écoute, je te dirais que l'essentiel de mon énergie, là, en ce qui me concerne, là, c'est vraiment consacré au disque de locaux qui tarde, tu sais, puis qui devrait être sorti depuis longtemps. Puis c'est les projets, justement, personnels qui nous ont dévié un peu, là. Mais en même temps, je l'ai souvent dit, puis je le répète, là, c'est que quand tu fais de l'art politique, c'est le danger avec ça, c'est que tes trucs vieillissent très, très rapidement, tu sais. Puis nous, on tient à ce que, justement, notre propos soit pas juste un propos de slogan ou de formule politique convenue. On essaie vraiment d'approfondir la question qui est la nôtre, là, qui nous rassemble ce soir, mais dans une perspective réellement artistique, tu sais. Je trouve qu'il y a des prédécesseurs qui l'ont très, très bien réussi, tu sais. Je pense particulièrement à Gaston Miron, qui est un homme qui a lié son militantisme et sa poésie de façon unique, tu sais. Et ça a donné une œuvre qui est traduite partout dans le monde. Donc, si c'est des exemples qui sont probants, que la chose est possible, puis à plus forte raison, si tu prends encore Miron, qui disait une chose de très juste, c'est qu'il disait que lui, il considérait que la poésie n'était pas possible pour un peuple qui ne s'appartient pas. Et j'ai toujours trouvé que cette phrase-là était très forte, dans le sens où ta poésie, si tu ne t'appartiens pas, quel avenir a-t-elle, tu sais? Donc, je disais, non, mais vraiment, tu sais, je veux dire, c'est quoi la... Si un poète parle de sa communauté, parle de ses origines, parce que c'est le thème central quand même, là, tu sais, puis que tes origines sont minées, larvées, qu'elles sont menacées de disparaître, je trouve que ton expression artistique, elle aussi le reflète, cette fragilité-là essentielle. Donc, moi, je trouve que c'est essentiel, encore une fois, que l'œuvre reflète cette réalité-là, puis c'est pour ça que le militantisme, l'art engagé et politique que l'on fait, le colocas, il faut que ça soit lié avec ça, tu sais. Puis il faut pas, encore une fois, que ce soit de la poésie, du slogan, puis de propos convenus, puis tout ça. C'est essayer d'approfondir quelque chose. Donc, le temps qu'on prend de chaque disque, finalement, pour faire bref, il est nécessaire pour arriver avec quelque chose qui a une chance de durer dans le temps, tu sais. Donc, ça, pour nous, c'est super important. Ceci dit, Il y a des projets à côté, mais qui sont tous palpitants et passionnants. C'est bien ça le problème, tu sais. C'est pas comme si j'étais obligé de faire des annonces de poulet africain togué puis je te disais que ça me prend du temps. Là. C'est vraiment, tu parlais de Voidex. Moi, mon expérience comme comédien, c'est d'avoir justement entré dans des œuvres d'auteurs puis des paroles. Puis tu sais, c'est super nourrissant pour quelqu'un qui écrit aussi. Donc, fait que je suis un homme de scène, je suis un homme de théâtre, je suis un homme de musique, puis je veux faire toutes les affaires. Fait que c'est sûr qu'il y a rien. Mais là, toute l'énergie consacrée au disque, là, fait que c'est Batlam qui te parle puis qui dit qu'il y a un disque qui s'en vient très bientôt puis qui va être bon. Parfait. Puis, si je peux me permettre, pour faire suite à la question, est-ce qu'il y a, parce que tantôt, bon, sur scène, vous avez dit que vous aimiez beaucoup le réseau de résistance du Québécois. Vous avez appris à connaître Patrick Bourgeois, puis vous êtes devenus des amis, tout ça. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les Locolocas, je dirais pas une alliance, mais est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait des futurs projets qui englobent le Québécois, Locolocas? L'alliance est officieuse, tu sais. Je vois pas l'intérêt de la rendre officielle. T'sais, moi, ma présence ce soir, comme je l'ai rappelé, la présence de Patrick au Moulin, tout ça fait en sorte que tu sais, sans avoir à faire un communiqué de presse. Tu comprends? Ouais. Mais tu sais, moi, je trouve encore une fois que c'est super important que moi je vienne ici, puis que lui vienne dans un truc qu'on organise. Tu sais, c'est comme, c'est encore une fois, moi, je suis vraiment pas dans le trip d'exclure du monde, puis des manières d'exprimer le désir du pays, tu sais. Je trouve que c'est de jouer le jeu de nos adversaires, c'est que de se séparer entre nous, de se tirer entre nous. Non, il faut vraiment s'unir, c'est comme ça qu'on va arriver à faire quelque chose. Parce qu'en quelque sorte, je pense que les locaux... Bien, on avait posé la même question il n'y a pas si longtemps à Biz, justement, qui était venu en Outaouais, puis on avait eu la chance de faire une entrevue avec lui. Puis Fred lui avait demandé comment lui ressentait ça d'avoir... Parce que veux pas les locaux, vous avez un peu une pression, si on veut, qu'il y a un poids sur les épaules. On a l'impression que vous représentez, vous êtes vraiment comme la ligne de front, si on veut, où vous êtes comme une inspiration pour tout un mouvement, surtout depuis que Pierre Falardeau est décédé. On a perdu des grands noms, là, je veux dire. Puis là, maintenant, ben, il y a plusieurs personnes qui se retournent vers vous et puis que vous êtes un peu comme des modèles. Comment vous prenez ça, les locaux? Est-ce que ça vous met une pression quelconque? Ou... Ben, écoute, moi, je suis toujours étonné d'entendre ça. C'est probablement que c'est une manière à moi d'évacuer la pression, là, comme tu dis, là, que de me dire étonné puis de me surprendre que les gens nous estiment à ce point-là puis nous identifient au même titre que les gars dont tu viens de parler puis on parlait d'André Ferretti. C'est vraiment un honneur, sérieusement. La barre est haute, tu sais, puis encore une fois, ça revient autant en chaque disque, tu sais. C'est vrai que le disque a tardé, tu sais, mais encore une fois, on tient à ce qu'il soit vraiment bon, tu sais, puis qu'il soit vraiment meilleur que le précédent, tu sais. Puis que ce soit un disque qui reflète vraiment ce qu'on a vécu depuis 6 ans, tu sais, puis qu'on écrit mieux que 6 ans, on fait des meilleurs beats que 6 ans, on est capable de mieux interpénétrer la musique puis les paroles. Puis ça fait 15 ans qu'on fait de la musique ensemble, puis il faut que ça paraisse dans les esti de disque, tu sais. Fait que je te dirais, la pression est d'abord là, puis ensuite de ça, les gens jugeront, tu sais, mais moi, pour être à la hauteur, de encore une fois, de ces gens-là, je trouve qu'il faut d'abord que je sois à la hauteur de ce que j'écris sur ma feuille, tu sais, puis ça, c'est ce sur quoi j'ai un petit pouvoir, puis c'est ce sur quoi je vais travailler, t'sais. Parlant de pouvoir et compagnie, moi, je côtoie beaucoup de personnes que j'essaie de politiser dans mon univers de travail et compagnie. Puis une des choses qui revient souvent, c'est que le monde a peur des mouvements souverainistes, on peur des mouvements indépendantistes, car ils pensent qu'ils sont dans un engrenage qui ne peut pas ressortir. Quand on regarde que les gouvernements, notre cher honorable Jean Charest qui nous dit tout le temps que c'est des radicaux, ils veulent juste faire la chicane, brasser les affaires, mais le monde, ça ne porte pas le monde à vouloir sortir. Mais c'est quoi ton opinion par rapport à ça? C'est quoi la perspective de ça? Ben écoute, y a ce dont tu parles, moi, c'est une des choses que je me suis étonné pour en avoir discuté avec des amis comme toi dernièrement. Je me suis étonné de voir à quel point, de constater à quel point ce discours sur le radicalisme du discours souverainiste avait vraiment pénétré très loin dans la population. Ça, c'est énorme. Écoute, j'étais étonné de ça, tu sais, parce que quand tu te mets à discuter avec quelqu'un, puis que tu commences à être exigeant avec l'autre personne, puis tu lui demandes d'aller au bout de sa réflexion, puis tu vas loin avec lui, à un moment donné, t'arrives à ça, tu sais. Puis moi, ça m'a tétanisé de voir des gens intelligents, des amis proches, là, me tenir après un moment ce discours-là du radicalisme de l'option, de son ethnocentrisme, de sa xénophobie, là. Tu sais, moi, j'étais très, très étonné de ça, puis je trouve que il est très dangereux pour nous de, justement, devenir ce que ces gens-là appellent en nous, quelque part, tu sais. C'est ça aussi, là. Au fond, je pense vraiment que le Québec est comme toutes les sociétés colonisées, très aliéné, tu sais. Malheureusement, oui. Et puis ça, c'est un reflet de l'aliénation. Puis je le dis pas en parlant des autres, moi, je suis pas aliéné. Je pense que je fais partie de tout ça, puis je pense qu'il faut être... Mais l'idée, à mon avis, c'est d'être inventif, c'est d'être créatif. Mais ça veut pas dire ça, tomber dans l'angélisme puis mettre de côté la rancœur puis la colère légitime qu'on a le droit d'avoir à l'endroit de ces discours-là en premier lieu. Exactement, mais parce que aussi, en même temps, tu parlais des moyens qu'on pourrait avoir. Plus que ça va, puis on dirait, parce qu'on nous coupe les herbes, l'herbe sous le pied, on dirait que faire des manifestations, ça n'a aucun impact. Je ne sais pas combien de personnes qui s'est mobilisé contre la loi 103 qui, finalement, a passé au baillon. On s'est fait baïonner une règle, une loi culturelle, carrément, là. Et puis, on n'a pas pu rien dire là-dessus. C'est sûr que le monde que je parle, autres, ont un problème avec ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais, encore là, qu'est-ce qu'on pourrait vraiment faire à ce niveau-là? Tu vois, nous, là, vous faites un projet de radio depuis un an. C'est faire circuler des idées, faire circuler, justement, un discours qui n'est pas du tout le reflet de ce que les ennemis veulent faire du discours souverainiste, tu sais, qui est un discours d'ouverture, un discours qui élève, un discours intelligent, à la hauteur de la réflexion qui a été faite autour de ce projet-là depuis des décennies, tabarnak. Il y a des gens éminents qui ont écrit là-dessus, qui ont fouillé la question, la raison d'être, puis la profonde nécessité de notre discours souverainiste. Donc, on n'est pas des ticlins, on débarque pas de la dernière pluie, on arrive après une longue suite de gens, encore une fois, qui ont réfléchi avec beaucoup d'éloquence et de profondeur à ces questions-là. T'sais. Donc, il faut aujourd'hui se souvenir de ça, puis l'assumer, puis en être le reflet dans ce qu'on, fait. T'sais. Puis nous, on organise, comme je le disais tout à l'heure, des vigiles qui sont justement pour but de contrecarrer ce discours-là, qui est un discours, évidemment, propagande, tu sais, qui est desservi par des organes extrêmement puissants, tu sais. Le cadre diplomatique intercepté par Wikileaks dernièrement en est une preuve, s'il fallait la faire, que la presse est profondément compromise dans cette affaire-là, tu sais. Et je trouve qu'il faut, à mon avis, et c'est la démarche qu'on a entreprise, retrouver le sens de ce que c'est qu'être dans la rue puis prendre la parole. Puis nous, on le fait toutes les semaines, depuis 2 mois, puis on a vraiment l'impression, l'intention de continuer, justement en se disant que l'immobilisation d'un jour, ça n'a plus lieu d'être. Il faut l'immobilisation continue. Puis moi et nous avons été très impressionnés par ce qui s'est passé au Maghreb. Ce qui est passé au Maghreb, là, ça nous concerne aussi. On n'est pas loin de ces gens-là. Quoi qu'on pense, malgré nos 2 chars dans l'entrée et notre écran plat, tabarnak, on est des colonisés. Non, on est des colonisés comme eux. Puis ça, là, il va bien falloir s'en rendre compte. Puis quand je parlais de la presse il y a une seconde, je te le jure, je ne crois plus à la démocratie québécoise dans l'état actuel des choses. Et je trouve qu'il faut, être inventif et profondément proactif. Et je pense que la parole est un moyen, mais encore une fois, on est là, précédé, entouré. Le mot la parole nous l'a montré. Chris, il y a un récit ici de nous-mêmes, riche, foisonnant, polysémique. Je dis, on a des armes, saisissons-les, servons-nous-en, puis Chris, faisons bouger le monde. Merci beaucoup, merci Sébastien. Beaucoup. C'était très apprécié. Un plaisir. Et on est de retour dans les Irréductibles. La radio libre de l'Outaouais. Sur les ondes de... Réelradio.fm. De Québecradio.org. Et du 1670... AM. Dans la magnifique et grande région... Inondée. Inondée de l'Outaouais, exactement. Oh yeah. Ben en fait, c'est ça. On vient de vous présenter l'entrevue de Sébastien Ricard, Boosté. Et c'était merveilleux. Je l'entendais tellement parfaitement dans mes écouteurs. C'était fantastique. Je suis sûr que vous l'avez apprécié, auditeurs et auditrices. Et sans plus tarder, je fais le lien et je passe le micro à notre collègue Patrick Sobchak qui, cette semaine, tu... Cette semaine, nous a fait notre nouvelle intro et a arrangé l'intro de Sébastien Ricard. Merci beaucoup. Il travaille fort, honnêtement. Merci beaucoup, Pat. On essaie d'être irréductible. Exactement. Hein? Bon, aujourd'hui, je vais me transformer en professeur. Je vais vous éduquer sur une question très importante. Oui, matière à examen. Oui, absolument. Donc, réchauffez vos neurones, préparez-vous. J'ai quelque chose. On va essayer de faire ça. On va apprendre, là. OK. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que la bière? Oui. Un liquide délicieux qui descend dans ma gorge en tout temps. Le liquide des dieux. Bon, ben, je vais vous en parler un peu. Je vais vous parler de la recette. Okay? Étant amateur de bière moi-même, j'en parle beaucoup, puis j'en parle avec beaucoup de monde de la bière. Puis je suis toujours surpris d'entendre que les gens me disent des phrases qui vont exprimer une ignorance totale ou une méconnaissance de ce que c'est vraiment la bière. OK. Tu sais, du monde vont dire « Ah, il y a du houblon là-dedans, ça rend ça fort, hein? » Il y a comme des particules dans le fond, elles sont bien dégueulasses, c'est parce qu'elle est plus bonne. Bon, c'est ça exactement. Je me dis, faudrait que je fasse un recueil de ces phrases-là, ce serait beaucoup trop le fun. T'aurais un dictionnaire. Ben oui. Mais puisque moi je suis ici pour instruire les auditeurs des Irréductibles au sujet de la bière québécoise, ben il faut commencer par comprendre qu'est-ce que c'est que la bière. C'est une bonne base, effectivement. Bon. Donc, qu'est-ce que c'est que la bière? Ben simplement. La bière, c'est un jus de malt épicé au houblon qui est fermenté. Voilà, c'est tout. Fin de la chronique. OK, merci à tout le monde. À la semaine prochaine. Mais voilà, mais c'est quoi du malt? C'est quoi du houblon? Puis comment ça marche, la fermentation? La recette de la bière a seulement 4 ingrédients. Enfin, la bière typique. Mm-hmm. C'est fou comment qu'avec seulement 4 ingrédients, on peut faire des centaines de types de bière. Selon toi, Fred, c'est quoi le premier ingrédient qu'on donne dans la bière? De l'eau. Je dirais la même chose, ouais. L'eau, c'est de 80 à 95 % du contenu d'une bouteille de bière. Et c'est pourquoi le Captain Haddock ne buvait pas de bière. Parce qu'il y avait de l'eau dedans. Il y avait trop d'eau. Ben, le reste, c'est de l'alcool puis quelques oligo-éléments. Soit un gros mot comme ça, je vous l'explique. C'est des oligo-éléments, c'est des micronutriments indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Moi, j'aurais peut-être répondu, peut-être aussi du sucre. Bien, c'est que le sucre, tu vas voir, je vais t'en l'expliquer plus tard, c'est qu'il va être transformé. Okay. La plupart des brasseries utilisent de l'eau de la ville, comme au Brasseur du Temps ici à Gatineau. Genre l'eau du robinet, là? Oui, absolument. Non, ils puisent à même. Là. Mais cette eau-là, elle est filtrée au charbon activé pour en retirer le chlore, qui pourrait rajouter d'autres saveurs vraiment désagréables à la bière. Okay. Donc, en filtrant leur eau, en s'assurant d'avoir une bonne eau, on peut faire une bonne bière. Fait que vraiment, là, l'eau est très importante pour la bière. Je pourrais en parler plus longtemps, mais je vais aller directement au deuxième ingrédient de la bière, qui est le malt. Mm. Okay? Le malt, c'est produit à partir d'une céréale, généralement de l'orge, mais aussi du blé, parfois même le maïs. Le maltage, c'est le processus de germination du grain qui va libérer les enzymes qui brisent les grosses molécules d'amidon en plus petites molécules de sucre. Ça, c'est de la chimie. Enzymes, c'est avec un Z, ça. Oui, exactement, les enzymes. L'amidon est très abondant dans le grain, mais quand il est intact, il n'est pas fermentescible. Ça veut dire qu'il est trop gros pour rentrer dans les petites bouches des petites levures. C'est comme moi, je suis trop gros pour rentrer dans un chandail médium. Genre. Oui, c'est sûr, c'est la même chose. Donc, en brisant l'amidon en plus petites molécules, les levures vont pouvoir s'y nourrir puis pouvoir le transformer en alcool plus tard. Donc, on pourrait dire que le malt est à la bière ce que le raisin est au vin. Ah, bon. OK? Simplement, là. Et c'est bien meilleur, tant qu'à moi. Puis après la germination, le malt, il est séché puis torréfié afin de conserver les sucres et puis les caraméliser. Fait que ça, c'est la fin du maltage. Les bières blondes sont faites avec un malt blond. Okay. Les bières, les bières brunes avec un malt brun qui a été un peu plus cuit. Les bières noires avec, avec un peu de malt... Un malt brûlé. Ouais. Brûlé, ben, toasté. On appelle ça du malt cacao parce que ça rappelle un peu là, ouais. le chocolat. Puis les bières blanches sont faites avec du blé malté aussi. Le troisième ingrédient de la bière, c'est le houblon. Le houblon, c'est l'épice principale de la bière depuis plus de 5 siècles. Le houblon lui confère toute son amertume puis beaucoup de ses arômes. Les huiles essentielles du houblon sont un aseptisant naturel ça aide au maintien d'une belle mousse une fois la bière versée dans ton verre. Une belle broue. Oui, c'est ça. Mais c'est que dans le fond, il y a très longtemps, l'eau, disons que dans les rues de Paris, il y a 3 siècles, l'eau... ça devait être ordinaire. L'eau, tu faisais attention. Donc, faire fermenter ton eau, c'était déjà quelque chose qui allait nettoyer, justement, parce que... puis le houblon étant aseptisant, ça aidait beaucoup aussi, justement, à la bonne santé. Le quatrième ingrédient et le plus important, selon moi, ingrédient de la bière, c'est la levure. La levure, c'est un champignon unicellulaire microscopique. La levure va lier tous les autres ingrédients ensemble, puis va les métamorphoser de façon très magique afin de donner la bière. Okay? La levure va manger les sucres, puis elle rejette deux choses principalement. Du gaz carbonique, puis de l'alcool. Le gaz carbonique donne son côté effervescent et pétillant, et l'alcool, son côté enivrant. Bon, il y a son côté party. Puis chaque levure a sa personnalité. Il y a plein de types de levures différentes. Avec la même recette de bière, tu fais juste changer la levure puis t'as comme un produit complètement différent. Ok. Les ingrédients de la bière sont assemblés dans le brassage. Ok. Généralement, le brassage commence par un concassage du grain malté. Et puis le malt est mélangé avec l'eau pour produire le moût. Le moût, c'est comme un gros mélange d'eau sucrée qui est la base de la bière. Le moût doit être chauffé à des températures très précises afin de libérer les sucres par infusion. Puis afin d'assurer une température uniforme, le moût doit être brassé constamment pendant qu'il chauffe. C'est de là que vient le nom de brasseur. Ah, ben oui, dans le fond. Ben oui. Puis ensuite, il est bouilli pour le stériliser. Puis c'est à ce moment qu'on ajoute le houblon. Puis c'est là aussi encore que par infusion, les saveurs du houblon vont s'introduire dans le mélange. Puis aussitôt que possible, on refroidit ça, on met la levure. La levure est comme une bactérie qui va venir prendre le contrôle de ce joyeux mou sucré, va transformer le sucre en alcool et après un temps de fermentation, de vieillissement, puis l'embouteillage, on se retrouve avec de la bière. OK? Je pourrais vous en dire beaucoup plus sur la bière, mais dans le fond, c'est à peu près ça. Okay? C'est comme ça. C'est pas mal la base. Oui, c'est ça. La fabrication. Si tu comprends ça, dans le fond, tu comprends qu'à partir de quelques ingrédients, on fait de bonnes bières. Comme ça, c'est plus facile pour toi d'identifier ce que tu goûtes. Je vais mettre tout à l'heure sur la page Facebook des Irréductibles des vidéos que j'ai trouvées. J'ai omis de le faire avant l'émission. Il faut que je vous mette ça tout de suite pour les auditeurs parce que c'est fantastique. C'est des vidéos que vous allez pouvoir trouver même sur la page Facebook des Brasseurs du Temps. Okay. C'est Dominique Gosselin, le maître brasseur lui-même, qui vous explique chacun des 4 ingrédients de la bière comme je viens de vous en parler. Ah, cool. Fait que voilà. Ben, merci Patrick. Un grand plaisir. Merci beaucoup. Ça m'éclaire un peu, justement. Moi, je pensais que c'était super compliqué faire de la bière. Ben, ça n'a pas l'air super simple non plus. C'est plus compliqué que le vin, mais pourtant, c'est comme faire du pain. Avec le pain, la recette est tellement simple, mais pourtant, il y en a tellement de sortes. Ouais. Puis tout est dans l'art du brassage. Oh! Alors, tu avais quelque chose pour nous rapidement, Kevin? Oui, absolument. Ben, je voulais juste... très rapidement revenir sur quelque chose que j'avais parlé la semaine passée. Nos auditeurs et auditrices s'en rappelleront. En m'en venant vers l'émission, j'étais allé prendre un café avec ma copine, puis j'étais tombé sur le journal de droit. Puis dans les premières pages du journal, il parlait d'une espèce de conflit, si on veut, entre l'UQO, la cité collégiale, puis tout ça. Il y a une espèce de compétition qui s'est installée entre le système postsecondaire en Ontario puis au Québec. Puis en gros, ce que ça disait, c'est qu'au Québec, on est sous-financé. Il n'y a pas assez de programmes universitaires du côté québécois versus ce qui se fait en Ontario. C'est donc étonnant. C'est comme... honnêtement, ça va mal. Ça fait en sorte qu'il y a une espèce d'exode. En fait, plus qu'un exode. C'est carrément pratiquement la majorité des étudiants qui partent étudier du côté d'Ottawa, soit à l'université. Et quand ils reviennent, leurs études ne sont même pas reconnues par le Québec. Bien, souvent, c'est ça. Et puis, j'avais pas les chiffres avec moi la semaine passée. J'avais dit ça comme ça, mais je suis allé me documenter. Puis, j'ai sorti les chiffres exacts. Donc, je peux vous dire ça vite fait. Comme ça, ça vous donne, tu sais, à vous, auditeurs et auditrices, les données précises de ce que je vous présentais la semaine passée. Donc, si j'y vais comme ça, point par point, je peux vous mentionner en commençant que l'UQO reçoit entre 22 % et 79 % moins de subventions de fonctionnement que les universités comparables. Rappelle-moi donc, ça, c'est de 60... De 22 % à 79 % moins de subventions que les universités comparables, donc de même... à peu près même grosseur, tu sais, à travers la province là, du Québec, ils reçoivent beaucoup moins de subventions, malgré le fait qu'on est une des la quatrième plus grosse ville au Québec. Il y a 2800 étudiants qui choisissent d'aller en Ontario, malgré des frais de scolarité trois fois plus chers. C'est cher. Évoquant que dans 85 % des cas, le manque de programmes en Outaouais. Donc, le fait qu'il manque de programmes en Outaouais, ça pousse au moins 2800 étudiants à aller étudier, à payer plus cher pour aller étudier de l'autre bord. Parce que c'est carrément ça, dans le fond. C'est le manque de programmes. Je suis témoin. J'y travaille, je peux te le dire. Puis, combien de gens vont prendre des cours en anglais une fois rendus à Ottawa parce que les cours sont parce qu'ils ne sortent de... pas en français. Ils vont surtout aller à la cité collégiale. Je dis, j'y suis. Ouais. Les gens appellent parce que, justement, c'est en français. Puis... Mais la question est, est-ce que, par exemple, mes compétences après vont être reconnues par le Québec? Ça, je peux pas vous dire, je travaille pas là-dedans. L'Université d'Ottawa est supposée être bilingue, mais je sais, parce que ma copine y est allée, qu'il y a plusieurs cours qui sont pas offerts en français, puis elle a pas le choix de se résigner à les prendre en anglais. Fait que, tu veux pas, tu piles, puis tu plies, puis bon. 45 % des étudiants de la cité collégiale proviennent du Québec. Donc, bon, c'est pratiquement la moitié des gens. Les milliers d'étudiants qui étudient à Ottawa représentent 25 millions de pertes chaque année en frais de scolarité. Puis bon, si on rentre là-dedans, les postes, supposons que tous ces étudiants-là, au lieu d'aller étudier à l'autre bord, ils venaient étudier ici à l'UQO ou tout ça, ça créerait de l'emploi. Il y aurait plus de professeurs, chargés de cours, tout ça. Donc, en gros, là, ça représente là, des pertes là, de 25 millions. C'est énorme. C'est beaucoup pour la région. Tu sais, je veux dire, écoute, 25 millions. En plus, Gatineau est la quatrième plus grosse ville au Québec. Quand même. Cet exode prive l'Outaouais de 300 à 400 emplois en enseignement. Donc, évidemment, comme je le disais, des retombées économiques à ce niveau-là. Le quart des qualifications obtenues en Ontario ne sont pas reconnues au Québec, comme tu le disais tantôt. Et le résultat de ça, c'est que seulement un tiers des étudiants québécois qui vont s'exiler en Ontario pour aller étudier vont revenir contribuer à l'économie québécoise. Donc, il y a seulement un tiers des gens qui vont étudier l'autre bord qui reviennent travailler chez nous. Donc, encore là, c'est des pertes pour la région, pour l'Outaouais. Et Ottawa offre 835 programmes collégiales et universitaires versus 101 pour l'Outaouais. Donc, 101, yes, c'est 101. Oui, exactement. La loi 101. Non, mais tu sais, ça prouve juste à quel point il y a un déséquilibre. On est déficient. Fait que si je vais juste avec des chiffres vite fait, parce que je vous avais dit que comparé aux autres régions dans la province, qu'il y avait un gros manque. Si on considère que l'Outaouais a une population de 363 638, à peu près, là, grosso modo, et compte seulement 17 programmes de baccalauréat, 9 programmes de maîtrise et 5 programmes de doctorat, et qu'on compare ça, exemple, avec, supposons, là, je ne les nommerai pas toutes parce que le temps va nous manquer, mais supposons le Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui a une population de 270 000 environ là, de population, donc un peu moins, quand même moins que l'Outaouais. Et eux autres, ils ont 34 programmes de baccalauréat, 17 programmes de maîtrise et 11 programmes de doctorat. C'est pathétique. Donc, il y a plus que le double de programmes de doctorat et puis ils ont moins de population que nous. Donc, il y a vraiment... Puis j'ai d'autres exemples comme ça, l'Abitibi, le Bas-Saint-Laurent, tout ça. Je pourrais pas tout vous les nommer parce que le temps nous manque, là. Mais ça prouve juste à quel point la région ici, on dirait que le gouvernement du Québec a comme lancé la serviette, puis bon, ils iront étudier à Ottawa. C'est ça. Fait qu'il est temps que ça change, puis ça presse. Ouais. Rapidement. Petite nouvelle, là, comme vous le savez tous, comme j'ai mentionné tout à l'heure, le petit prince et sa demoiselle, ils viennent au Québec. Si vous êtes intéressé à aller manifester, si vous êtes intéressé à y dire « Va-t'en chez vous » ou juste « Je t'aime pas » ou « Je t'aime, j'ai rien contre toi, mais rendons chez vous à tes frais. » Et vous trouvez que Québec, c'est loin, eh bien, vous pouvez aller à l'adresse courriel que voici, montréal@commercialresistancequebecoise.org. Pour un petit 15 $, ce qui est très, très peu, vous pouvez vous réserver une place dans un autobus qui monte à Québec. Si vous êtes de l'Outaouais, évidemment, et que vous voulez monter, que vous voulez embarquer des gens, que vous avez une voiture, covoiturage, vous pouvez aller à outaouais@commercialresistancequebecoise.org. Vous donnez votre nom, numéro de téléphone, vous dites « Salut, moi, je suis intéressé, j'ai 15 $, j'ai une voiture, je peux embarquer des gens. » On a toujours besoin de gens. Rapidement aussi, on a reçu un petit communiqué. C'est pas parce que vendredi, c'est la fête du déménagement que nous, on va s'écraser. Jamais. Première des Jeudis de l'indépendance, présentée par la section du Réseau de résistance du Québécois en Outaouais, le RRQ Outaouais. Qui va commencer le 30 juin, soit jeudi, à 20 h, au bar Salon Motel du Parc, donc proche de Luco, au 359 boulevard Alexandre Taché à Hull. C'est tous les premiers jeudis du mois, sauf pour, évidemment, pour le mois de juillet, parce qu'on est un petit peu collé dessus. Venez rencontrer les gens de l'Outaouais. Je sais que nous, les gars des Irréductibles, on va être là-bas. On va être là. Ils veulent organiser des conférences, des projections de documentaires, pas juste sur l'indépendance du Québec, mais des documentaires qu'on ne voit pas assez souvent. Bref, ils veulent faire un peu comme l'émission des Irréductibles, c'est-à-dire informer les gens, puis en même temps prendre une bonne bière, c'est toujours intéressant. Oui, alors, je répète, jeudi le 30 juin 2011 à 20 h au bar salon du Hôtel du Parc, 359 boulevard Alexandre Taché à Hull. Une bonne bière québécoise. Oh, absolument. Oui. Je connais pas leur sélection, mais enfin. Malheureusement, c'est déjà la fin. Je regarde là, c'est malheureusement déjà la fin. On va devoir se laisser avec notre traditionnelle conclusion de l'émission. Pas bonne fête du déménagement. Bonne fête du déménagement. Bonne manif à ceux qui y vont. Exactement. Bon long week-end. Sur ce, nous rendons les ondes, mais nous ne rendrons jamais les armes. Jamais. Bonne semaine à tous.